cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mada akhadna fi darsina al-akhir, tafadhal. باب الشفاعة فما هي الشفاعة شرعا تعريف الشفاعة نعم التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة prendre un intermédiaire pour apporter un bien ou repousser un mal هذه الشفاعة تنقسم إلى قسمين أي من حيث الجواز الشفاعة الدينية أما الدنيوية فتقدم معنا سكينو زانتغس نحن شفاعة الآخرة تنقسم من قسمين أي طلبوها عندما تفضل الشفاعة المثبتة هذه هي القسم الأول أي إن شفاعك مثبتة أي كي سيتي دان للتكس دي قرآن دي للسنة هذه المشروعة لبيرميز ولها شروط تفضل الشرط الأول الإذن ما الدليل أحسنت من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والشرط الثاني تفضل الرضا ما معنى الرضا للشافعي هو من أهل التوحيد والمشفوع له هو كذلك من أهل التوحيد أي أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع الله سبحانه وتعالى il accepte, il agrée عمل الشافع celui qui fait الشافع celui qui la reçoit والله سبحانه وتعالى يرضى لعباده الإيمان التوحيد donc لابد من هذه الشروط الإذن la permission d'Allah سبحانه وتعالى et كذلك أن celui qui fait la الشافع ça soit un موحد et celui qui la reçoit كذلك ça soit un موحد ما الدليل أن celui qui reçoit الشافع Il faut que ce soit un mouahid pour qu'il profite de shafa'a. Ma dalil min huna. Na'am, wa min as-sunnah. Tafadhal. Donc shahid, tafadhal, cite le hadith complètement. أحسنت من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه سأمونت خلنا celui qui recevra الشفاعة يوم القيامة c'est الموحد أما المشرك فلا شفاعة ولا ولي ولا نصير وهذا الباب إلى مهم أما الشفاعة المنفية c'est le deuxième قسم فما هي ceux qui n'ont pas répondu تفضل هي التي تطلب من غير الله مثال تفضل الشخص يطلب للملائكة او للنبي نعم يطلب من الانبياء ومن الاموات الشفاعه Et alors que Ha'ula al-Amwat ils sont morts, وهو يطلبها. Il leur demande الشفاعة. فهذه هي المنفية. لماذا؟ لأن هذا العمل سعمل شركي سين دموند. أوتر كالله عز وجل. كذلك الله سبحانه وتعالى il lui a pas donné l'autorisation. Donc لا يجوز هذا. الشفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى. Et Allah il donne la permission à qui il veut عز وجل. من يقرأ هذا الباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الحج سليمان التميمي رحمه الله تعالى باب الشفاعة فقول الله عز وجل عن ذنبه الذي يخاف أن يحشروا إلى ربهم ليس له من دونه ولي أن يحشروا إلى ربهم ليس له من دونه ولي ولا شفيع فقوله لله شفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقول من وكم من ملك في السماوات لا تعني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فقوله قل ادعوا الذي زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قال ابن عبد الله الله عما سواه كل ما يتعلق به المشرك فلفى أن يكون لغير ملك أو كسب منه أو يكون عمى لله ولم يبقى إلا شفاعة فبين أنها لا تدفع إلا لمن أذن له ربه كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه شفاعة التي يضمها المشركون يوم التبية يوم القيامة كما نفاه القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه فيحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وكنت اسمع وسد وقضى وشفع قال أبو هريرة رضي الله عنه وسلم يستحق الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي فتلك شفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقة أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص وأهل الإخلاص فيغفر له بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكون هو نال مقام محمود فالشفاعة التي نفاها القرآن كان فيها شبه لهذا ثبت شفاعة بإذنه في مواضع وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد انتهى كلامه. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. Après avoir cité rahmatullah alayhi ما يتعلق بالشفاعة وقلنا أن قول المشركين أنهم يتخذون ما يعبدون من دون الله من باب الشفاعة وهذه أعظم شبهة. C'est la plus grande choubha des mouchriquins. Annahum, ils pensent que prendre ces intermédiaires, ça nuit en rien au tawhid. Et ça ne fait pas partie du shirk. Limadha, les annahum, ils prétendent, annahum, ils reconnaissent annahadha al-makhlouq, c'est un makhlouq, ou annal-khaliq, c'est Allah. Lakin, ils demandent minbab al-shafa'a. Lakin, taqaddam ma'ana dans le bab précédent, anna cette aqida et cette demande est de la shafa'a alors que Allah subhanahu wa ta'ala il les a pas autorisés et il a interdit hada, de demander à des morts d'invoquer autre que lui subhanahu. La conclusion du bab précédent c'est que c'était du shirk wa hada al-bab fil haqiqa c'est la suite, ça suit al-mu'allif bayyana fihi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ma'a fadlih والله سبحانه وتعالى رفعه على سائر البشر فهو سيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام c'est le meilleur des êtres humains. مع هذا dans ce verset et كذلك le hadith qu'il a cité رحمة الله عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم il peut pas guider مع أنه il était vivant et il a fait l'effort pour montrer à son oncle عليه الصلاة والسلام لكن مع هذا الله سبحانه وتعالى il a révélé ce verset إنك لا تهدي من أحببت. Donc deux choses, النبي صلى الله عليه وسلم il était vivant, مع هذا الله سبحانه وتعالى il a pas guidé son oncle. ثانيا, que dire de فعل القبوريين المشركين qui demandent à des morts et Rubama ils sont voilà chaque anahum ils sont pas le niveau du prophète alayhi salatu wasalam fi al-qurba wal ilm ila akhir et même le prophète sallallahu alayhi wasalam taqaddam ma'ana on n'a pas le droit de lui demander lakin tous ces adillah tous ces barahin min al-quran min as-sunnah كذلك le aql démontre hada annahu la yajuz de demander à une créature même si cette créature elle est aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si cette créature c'est afdal al makhluqat comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fala yajouz. Qala al imam Al-Allama Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahu Allah Ta'ala fi i'anati al-mustafid. غرض المصنف رحمه الله من عقد هذا الباب الرد على الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المشركين الذين يتعلقون بالأولياء والصالحين. Ce باب c'est pour réfuter فعل المشركين القبوريين qui demandent à autre qu'Allah, qui demandent à certaines créatures كالأولياء والصالحين. تقدم معنا dans le باب précédent أنهم ils ont une شبهة la شفاعة, demande de شفاعة, l'intercession. Cheikh Al-Islam il a répondu, ثم il appuie avec ce باب juste après pour démontrer أن النبي صلى الله عليه وسلم on n'a pas le droit de lui demander et il peut guider personne et il possède rien عليه الصلاة والسلام. الملك c'est لله عز وجل وحده et مع هذا الله سبحانه وتعالى il n'a pas guidé son oncle. قال يا شيخ الفوزان حفظه الله تعالى يدعونهم من دون الله أي المشركين يدعون آلهتهم ويستغيثون بهم لأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه أبي طالب شيئا. البروفيت صلى الله عليه وسلم لا بل ملك البروفيت صلى الله عليه وسلم سنا عبد. C'est pour ça que Allah سبحانه وتعالى il l'a appelé في القرآن عبد عبد الله ورسوله فلا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. Et tu as un exemple avec هذه القصة. قال رحمة الله عليه وأنه نهي عن الاستغفار له حتى demander pardon à son oncle كما سيأتي معنا. الله سبحانه وتعالى lui interdit. لماذا؟ لأن الله fait ce qu'il veut, il ordonne ce qu'il veut عز وجل, il interdit ce qu'il veut. Et son ordre et son interdit سبحانه ils sont fondés sur le hikmah. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas guidé l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma'anahu il a guidé des autres. On n'a pas le droit de s'opposer ou de ne pas être d'accord. Limada? Li'an Allah azza wa jal qala wallahu ya'lam wa antum la ta'lamu. Allah il sait et nous on ne sait pas. Wala yajouz li'atirad. Et hadha al-bab al-mu'min المسلم يستسلم لله. C'est pour ça qu'on l'appelle مسلم. C'est pour ça qu'Allah nous a appelé مؤمنون مسلمون. أي on doit croire et se soumettre. فلا يجوز مثل ما يفعل بعض الضلال أنهم يعترضون على مثل هذا. فلهذا بعضهم يبخطن كل لونك du prophète صلى الله عليه وسلم il est في الجنة. C'est un مؤمن malgré ce hadith. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ففي حق غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى بل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعى من دون الله ويطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لأنه لم يملك هذا لم يملك هذا. فكومون دوموندي اون شوز او بروفيت صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى اوتر كو لو بروفيت صلى الله عليه وسلم alors qu'il ne possède pas. الملك c'est لله وحده. Donc celui qui veut demander, qui a besoin d'une chose, que ce soit shafa'a, que ce soit la guider, que ce soit autre, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Amma Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les causes. Et ça c'est mashrou'. C'est pour ça qu'il a essayé de montrer à son oncle. Et il l'a conseillé jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de son oncle. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lahu al-hikmatul baligha, et il ne l'a pas guidé. ونحن هكذا في الكوز الحكم لله عز وجل. قال ولا يطلب منه شيء من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لأنه لم يملك هذا نعم لعمه لم يملك هذا لعمه أبي طالب مع حرصه على نفعه. نعم. Donc on n'a pas le droit de demander au prophète صلى الله عليه وسلم ou à toute autre créature une chose لا يقدر عليها إلا الله. أما تقدم معنا أن من جهة السبب une chose que l'être humain peut et il est capable, il est présent, il est vivant, هذا c'est pas du shirk. لكن une chose comme la guider, هذه on la demande qu'à Allah سبحانه وتعالى. لكن faire des أسباب montrer فهذا يجوز. فلهذا العلماء رحمة الله عليهم ils ont démontré أن الهداية تنقسم إلى قسمين. هذا تقدم معنا أظن في تفسير سورة الفاتحة وفي دروس أخرى أن لا جديد سديفيزان دو une hidayah qui est khassa billah et c'est notre thème aujourd'hui et ce chapitre qu'on a lu ensemble ou on a lu le début هذه elle est khassa لله عز وجل العلماء l'appellent hidayatu at-tawfiq hidayatu at-tawfiq wal-qabul ça c'est une hidayah et la guide elle rentre dans le cœur de cet homme ou cette femme et cette personne elle suit le haq لماذا لأنها لا accepté qui c'est qui a mis cette guidée dans son cœur c'est Allah subhanahu wa ta'ala هذه elle est khassa بالله عز وجل والدليل قوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت أي هداية قبول وتوفيق كذلك قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم هذه هداية التوفيق والقبول أي qui c'est qui facilite aux عباد de suivre le droit chemin c'est Allah subhanahu wa ta'ala هذه الهداية لا يجوز طلبها من غير الله عز وجل celui qui la demande à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala فقد أشرك بالله il a fait du shirk الثانية هداية الدلالة والإرشاد وهذه c'est une هداية من حيث أن الإنسان va montrer le حق comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a démontré le حق avec le Coran, avec le Sunna, هذه c'est une hidayah, لكن هداية الدلالة والإرشاد. Et tu montres, est-ce que l'insan va être guidé? Allahu a'lam. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, في هذا الحديث, il a conseillé son oncle, il lui a montré le haq, هداية الدلالة والإرشاد, et Allah, il n'a pas guidé son oncle. أي هداية التوفيق والقبول. Donc, الهداية, la deuxième, c'est pour l'anbiya, pour l'ulama, pour tous ceux qui montrent le haq. Yahdouna an-nas, il leur montre le haq. Thumma, est-ce que ceux qui reçoivent la da'wah, est-ce qu'ils vont accepter la da'wah des prophètes amla? Hada, c'est khas billahi azza wa jal. Wa dalil ala al-thaniya, il a cité Cheikh Sa'di, rahmatullah alayhi, dans son charh, sa ta'ti ma'ana wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala il a démontré à son prophète il guide sur le droit chemin et il guide et il montre aux autres le droit chemin amma la guider des cœurs elle est khassa billahi azza wa jal si tu as compris ces deux aqsam alhamdulillah tu sauras que demander la guider pour un tel c'est khassa billahi azza wa jal amma lui montrer la guider avec les preuves du Coran et de la sunna هذا الحمد لله مشروع بل من أفضل العبادات أي الدعوة إلى الكتاب والسنة أما الآية إنك لا تهدي من أحببت فتقدم معنا إيه لي لا بعض الشيخ الفوزان حفظه الله قال مناسبة الآية للباب أن فيها دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا وأن الأمر كله بيد الله النبي صلى الله عليه وسلم il possède pas la guider أو un bien pour un tel أو repousser un mal pour un autre لا تقدم معنا الحديد إني لا أغني عنكم من الله شيئا il a dit aux membres de sa famille قال ففيها الرد على الذين ينادونه لتفريج الكروبات وقضاء الحاجات سرد ceux qui invoquent le prophète صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا كما تعلمون وعد الجهال الذين تأثروا بالصوفية وبالخرافيين بالقبوريين يدمون وبخوفت صلى الله عليه وسلم خاصة quand ils vont في المدينة quand ils visitent sa tombe عليه الصلاة والسلام وهذا لا يجوز c'est du shirk et autre que le prophète صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى si on n'a pas le droit de demander au meilleur des hommes فالles autres لا شك أنه ça sera le même حكم on n'a pas le droit كذلك ثم il a cité رحمة الله عليه حديث ابن المسيب قال وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه ابن المسيب أي سعيد رضي الله عنه ورحمه الله من أئمة التابعين un grand إمام بل لقب بسيد التابعين عليه رحمة الله سعيد ابن المسيب وكذلك ينتقي ابن المسيب بالكسر عن أبيه son père c'était un صحابي رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. Donc, quand Abu Talib, le père de Ali, Ibn Abi Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le frère de son père, Abdullah, lama hadaratuhu al-wafat, quand il est tombé malade et il allait mourir, faja'ahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu lui rendre visite. Et il a trouvé inda Abdullah ibn Abi Umayya wa Abu Jahl, min ru'us kuffar Quraysh. Il les a trouvés عند عمه. فقال له يا عم قل لا إله إلا الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait le bien, la choc pour son oncle. Il lui a dit, dis la ilaha illallah. كلمة أحاج لك بها عند الله. Ça montre que هذه الكلمة فيها فائدة عظيمة, خاصة celui qui la prononce avant de mourir. فقال له, أي Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl. Ils ont dit à Abu Talib, atarghab an millati Abd al-Muttalib? Est-ce que tu vas délaisser la voie, la religion de nos ancêtres? Et ils ont cité leur père, Abd al-Muttalib. Wa aba an yaqul la ilaha illallah. Et il a refusé. Ma anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répété, ya am qul la ilaha illallah. Et Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya, كذلك il répétait, est-ce que tu vas délaisser la religion de notre père Abd al-Muttalib? Fa'aba an yaqul la ilaha illallah. Il a refusé de prononcer. Ma'a anna, c'est une kalima sahla à prononcer. La ilaha illallah, c'est min ashal ma yakun. Kalima khafifa ala al-lisan, lakin elle est thaqila ala al-mizan. Et ça nous montre anna at-tawfiq c'est biyadillah. Anahu, il n'a pas réussi, il aurait prononcé cette kalima sincèrement pour Allah et il aurait été véridique, la nafa'athu, il aurait été sauvé. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la astaghfiranna laka ma lam unha an. Quand il est mort, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit anahu, il va demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour son nom tant que Allah il lui interdit pas. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. هذا النص أنه لا يجوز de faire الدعاء pour un mushrik qui est mort, de lui demander الرحمة أو تخفيف العذاب, لا يجوز. Même si c'est un proche parent, même si c'est un parent, le père ou la mère, فلا يجوز. لأن الله سبحانه وتعالى قال أن يستغفروا للمشركين. وهذا اللفظ المشركين هذا لفظ عام سانغلوب tous ceux qui sont morts على الشرك الأكبر من يهود أو نصارى أو وثنيين أو ملحدين. المهم celui qui meurt على غير الإسلام. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال شيخ الفوزان حفظه الله, أي مناسبة الحديث للباب, لماذا شيخ الإسلام إلى سيتي هذا الحديث هنا؟ قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا لمن هو أقرب الناس إليه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم il était حريص, il voulait que son oncle rentre في الإسلام. لماذا؟ لأنه il avait un lien fort avec son oncle. C'était le frère de son père. كذلك c'est lui qui a pris soin de lui quand il était petit. Il a empêché beaucoup de parmi Kuffar Quraysh de faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait tout cela. Donc il voulait que son oncle rentre dans l'islam. Ma'a hada, un nabi sallallahu alayhi wa sallam la yamlik shay'an. Allah il n'a pas voulu le guider. Innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Qala, mimma yadul ala butlan at-ta'alluq alayhi sallallahu alayhi wa sallam li jalb an-naf'a wa daf' adh-dhurr. Ça nous montre, alors on n'a pas le droit de placer notre confiance, espérer, s'accrocher au prophète sallallahu alayhi wa sallam en espérant qu'il nous donne un bien ou qu'il nous repousse un mal. Hada la yajouz. Lianna Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est un rasoul, c'est un abd. On doit le suivre. Amma hadhihi al-umur, at-tawakkul, wal-khawf, wal-raja, wal-raghba, wal-rahba, tout ça c'est des ibadat khassa lillahi azza wa jalla. On n'a pas le droit de les donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam et min babi awla un autre. Qala wa ghayruhu min babi awla intaha min al-mulakhas. حقيقة هذا الباب لنافع. الذين يدعون غير الله ويعبدون القبور لذلك يكون خميت لهذه الآية ربما بعضهم إلا غسيت سوفا. كذلك يكون خي هذا الحديث المختصر اللي في الصحيحين يكون خي أن الملك سلله أن النبي صلى الله عليه وسلم avec sa منزله عظيمة avec son جاه عظيم كلا عند الله. الله سبحانه وتعالى إلا إلفي سخليل الله. الله سبحانه وتعالى يلو دنغ الشفاعة العظمى يوم القيامة. Il lui a pardonné ses fautes. Avec tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré à son messager, alayhi salatu salam, il ne peut pas guider. C'est Allah qui guide qui veut. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le sabab. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset pour montrer à tout le monde anna al-mulk c'est lahu azza wa jal. Wa al-hidayah, c'est lui qui guide les cœurs, la ghayr. Et ma'ala, tu trouves un awad de nas, il demande à des foussaq, à des zanadiqa, qui ont été enterrés min ru'us as-sufiyya wa ar-rafida ila akhirih, et tu trouves umma min an-nas yataqarrabuna ila ha'ula pour la guider ou pour guider leurs enfants ou pour les guérir ayyadan billah. Qala Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah kama fi 'anat al-mustafid, il a un kalam jamil, il a cité plusieurs fawa'id qu'on peut tirer de ce hadith. Dan hadha al-hadith fi al-haqiqa, il y a beaucoup de leçons à tirer. Minha, qala alayhi rahmatullah, awalan, on résume, amma huwa le kalam, il est assez long, lakin on résume son kalam avec, en citant des points. Le premier point, qala mashru'iyatu ad-da'wati ila Allah ta'ala. Et ça c'est important. Hatta fi hadha al-hal, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait da'wa. Et hadha, ça nous montre أن كذلك نحن نوافق الدعوة surtout à nos proches وأنذر عشيرتك الأقربين. Et vous avez remarqué que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé son oncle خاصتا en ce moment, c'était la fin de sa vie, c'était la dernière possibilité pour Abu Talib de faire des a'mal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé à l'essentiel, à التوحيد. Il n'a pas appelé à autre chose, à délaisser tel péché, à أبدا التوحيد. لأن التوحيد c'est la base. Si Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte, tawhid al-shakhs, alhamdulillah, c'est un mu'min mu'ahid, il sera à la khayr. Si son tawhid n'est pas accepté, ou lui-même il n'accepte pas tawhid, plutôt hada al-shakhs, et il reste à la shirke, tous ces a'mal ne sont pas acceptés. Qala thaniyan, mashru'iyatu iyadati al-marid al-mushrik min ajli al-da'wa. Ça c'est une fa'ida tayyiba. On a le droit de rendre visite à un mushrik, خاصةً qui est malade, gravement malade, qui va peut-être mourir. Il a une maladie très grave. Fa fi hadha al-hal, on a le droit de le visiter. Lakin al-qasd, c'est al-da'wa. C'est pas comme ils font بعض الناس الآن, أنهم ils parlent de respect, de tolérance, حتى envers le mushriki. Et ils ne les appellent jamais à hadha al-tawhid. Bel, ils n'osent pas. لماذا؟ لأن eux-mêmes ils ont des problèmes في العقيدة في التوحيد. لهذا ils parlent pas هم de هذا avec le kafara. دعات الظلال qui sont présents aujourd'hui. بل ربما eux s'ils visitent les hôpitaux ou ils se rassemblent avec les chrétiens, c'est pour parler des soi-disant points communs qu'on a entre nous المسلمين et اليهود والنصارى ou autres من الكفار. Et le bon comportement, il faut respecter les voisins. Hatta ba'dhum 'iyadan billah, ils se rendent visite, ils rendent visite à des prêtres ou à autres. Thumma ka'annahum c'est des asdiqa, c'est des amis, et il y a de la fraternité, et annahum ils sont d'accord sur certains points et on diverge sur certains points. Comme nous quand on se rend visite et on parle entre musulmans, ahyanan on diverge dans des points. Anna, je pense que cette chose c'est une sunna. Anta, tu penses que c'est pas une sunna. Moi, je pense que cette chose il faut la faire de telle façon. Anta, là, il y a des khilafat bayna al-muslimin, bayna ahl al-ilm. Fahum, ha'oula ad-dullal, ils se comportent avec a'da'ullah subhanahu wa ta'ala, comme al-muslimin, ils se comportent entre eux. Ka'annahu, en d'autres mots, le khilaf qu'on a entre nous et les chrétiens, ka'anna, c'est dans des masa'il de fiqh. Alors que nahnu, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ahad. Ce somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Hum a'da'u Allah, ils disent an Isa c'est le fils d'Allah, wa ba'dhum ils disent Isa c'est Allah, et ba'dhum ils disent Maryam c'est la compagne d'Allah, wa hakadha min al kufriyat. Normalement hadha al qawl ça suffit tubghiduhu fillah azza wa jalla, lakin tu as le droit de le visiter. Pas min bab annahu tu l'aimes. Wa pas min bab kadhalik annahu tu penses qu'il est à la haq. Là, tu le visites min bab idda'wa comme il a fait un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'est un proche, enfin encore plus. Al-Imam Ahmed rahmatullah alayhi comme taqaddam, on a déjà cité son qawl ou son mawqif min an-Nasara quand il voyait un chrétien radiyallahu anhu dans la rue, il tournait le regard min shiddati bughdihi lil mushrikeen. Limadha li anna al-Imam Ahmed il a appris le Coran, il a appris la Sunna. L'Imam Ahmed il a été éduqué par des rijal a'immatu as-salaf. Et lui-même s'est devenu un imam ahl-sunnah, radiyallahu anhu wa rahimahullah. Quand il voyait un Nasrani dans la rue, il tournait le visage. Une fois, ils lui ont demandé pourquoi il y a imam. Il a dit akra. Et je déteste voir un visage qui prétend que Allah il a un fils. Ou que Isa alayhi salatu wasalam, c'est le fils d'Allah. C'est ça, l'imam. Amma, cette da'wa l'an, la tolérance et le respect. احذروا من هذا والله ça contredit أصل الدين ça contredit التوحيد يتقدم معنا كثيرا بمسائل في الولاء والبراء وستأتي إن شاء الله معنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء إمام الموحدين أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه وقومه لماذا؟ Est-ce que c'était une histoire d'argent ou de terre ou de maison؟ معاذ الله. Il s'est désavoué de l'imad alayhi annahum, c'était des mouchrikoun. Bah, hakada mouqif al-anbiya et mouqif al-a'imma. Amma ha'oula al-an al-du'ava, al-juhal, ils prétendent faire da'wa. Et fil haqiqa, ils font des concessions à leur din, et ils salissent l'image du din, et eux-mêmes, ils ont besoin de da'wa. Li anna, il ne faut pas oublier un asl azim, wa sayati ma'ana, anna se mélanger avec l'ashrar, il faut absolument éviter. Enfin, celui qui a peur pour sa aqida, مثلاً, de visiter un chrétien ou un juif qui est malade, et probablement il n'a pas d'ilm, probablement il sait que dans la chambre de l'hôpital, il y aura des chrétiens, peut-être qu'ils vont parler, peut-être qu'ils vont essayer de le convaincre, et il n'a pas assez d'ilm, il n'a pas le droit. دَعْمَا يَرِيبُكِ لَا مَا لَا يَرِيبُكِ. هذا, c'est pour celui qui a le qudra. فَلِهَذَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, il est parti, et il a fait, et il lui a fait الدعوة. قال الثالثة وهي مهمة جدا أن من قال لا إله إلا الله فإنه يقبل منه ويحكم بإسلامه ما لم يظهر منه ما يناقض هذه الكلمة. Et ça c'est très très important. Si Abu Talib il aurait dit la ilaha illallah, on n'aurait pas à chercher est-ce qu'il est véridique, est-ce qu'il était sincère. هذا c'est dans son cœur, on ne sait pas. بينه وبين الله. Il aurait dit la ilaha illallah, فالنبي صلى الله عليه وسلم il aurait jugé la hakama alayhi sallam annahu il est mort ala l'islam. وهكذا نحن. Celui qui meurt ala la ilaha illallah, bien sûr avec هذا الشرط annahu il a pas contredit cette kalima. Amma wahed qui dit la ilaha illallah et on le voit, il fréquente les chrétiens, il prie avec les chrétiens, robama il pense que les chrétiens sont ala haq, فهذا robama il est minhum ou il adore autre qu'Allah, فهذا سواد. Amma celui qui dit la ilaha illallah et il n'a pas contredit هذا en apparence, il peut la contredire dans son cœur. Il dit la ilaha illallah, il ment. C'était que pour faire plaisir maintenant à un tel de sa famille. Il est venu. Mais nous, on prend l'apparence. Et ça, c'est une règle. Une règle dans beaucoup de choses. On apprend en apparence. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال les sahabi qui avaient tué un mouchrik qui avait dit la ilaha illallah avant de mourir fil jihad, ashaqaqta an qalbih. Quand un sahabe radiyallahu anhu ijtahada, il avait une bonne intention. Quand il s'est retrouvé en face d'un mouchrik, le mouchrik, il a dit la ilaha illallah. Un sahabe l'a quand même tué. Quand ils ont rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ghadiba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé. Et il a dit ashaqaqta an qalbih. Et un sahabe il a dit ya rasulullah, il l'a dit quand j'ai eu le dessus. فالصحابي اجتهد الى pensé que vu que cet homme il a faibli, il a eu peur, il a dit la ilaha illallah pour préserver son sang. النبي صلى الله عليه وسلم lui a montré que الامور سي على الظاهر. Il a prononcé la ilaha illallah, c'est notre frère musulman, tant qu'il la contredit pas. فلهذا قال له أشققت عن قلبه. Et est-ce que tu as ouvert sa poitrine pour voir est-ce qu'il est véridique ام لا. هذه الأمور سلله. نحن نبخون الأبارنس. Si واحد avant de mourir, مثلا on visite واحد et c'est un يهودي un نصراني ou un مشرك et on lui explique la ilaha illallah, on lui dit dis la ilaha illallah, il dit la ilaha illallah, c'est notre frère. Et ça implique des choses. On le lave, on l'enterre avec des musulmans, on fait salat pour lui, on fait dua. S'il était sincère, ces choses, ça lui sera utile. S'il n'était pas sincère, nous, on aura des hasanat. Qu'il est sincère ou pas, le fait qu'on l'a enterré, qu'on a fait les efforts, il a akhiré, le musulman, il est ma'jour à la kulli hal. Hada, c'est mouhim, faites attention, comme ils font le bar, de ne pas rentrer fin niya. Alors qu'il n'y a aucun délit. En apparence, il est à la khayr. Mathalan, hatta ma yata'allaq bi as-sunna wal bid'a, est-ce que c'est un sunni? C'est un sunni en apparence, alhamdulillah. S'il contredit des usul, min usul al-sunna, c'est autre chose. Mais s'il contredit pas, ça reste notre frère. Amma wa'ad al-nas, ils essayent de rentrer et de savoir. Lakin, il a fait, mais peut-être. Mais j'ai entendu et des rumeurs. Thumma ta'anun vi al-abriya. Donc, hada la yajouz. Et al-dalil, tu l'as dans ce hadith. قال رابعا أن الأعمال بالخواتيم فإن فأبو طالب عاش على الكفر والشرك ولو قال لا إله إلا الله عند الوفاء لختم له بالإسلام كذلك ça c'est une فائدة عظيمة أن الأعمال c'est بالخواتيم أن الإنسان sera jugé sur quoi il est mort s'il est mort على الإسلام même si toute sa vie c'était un مشرك ثم تاب توبة نصوحة. Et il était mukhlis lillah. Et il fait tawbah, enfin, il meurt en tant que musulman. Et Allah, il lui pardonne. Wahagada, c'est une personne, iyadam billah, il était ala l'islam, thumma yartad avant de mourir, enfin, il sera ressuscité en tant que kafir. Ça nous montre l'importance de l'ikhlas, l'importance de husnudan billah, l'importance d'être régulier, l'importance de faire des efforts. Hatta al-insan yalqa Allah, wa'bud rabbaka, hatta ya'tiaka al-yaqin. Et jusqu'à la mort, l'insan, il fait des efforts. Ou le mukhlis, celui qui est sincère, yuhsin al-dhan billah azza wa jal, il mourra à la tawhid. Lian Allah subhanahu wa ta'ala, il est kerim, il est rahim, il est juste. Amma wahid qui, ayyadan billah, il dévie, s'égare, il sort de l'islam avant de mourir. Fahada fil haqiqa, il était à la sharf. Fahada Allah subhanahu wa ta'ala, yafda'a ha'oula juste avant de mourir. Amma wahid, rubama, il faisait du mal. Et il n'accepte pas l'islam, Robama il combattait l'islam, et avant de mourir, il se convertit, il rentre vers l'islam. Allah il fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est une injustice là? Allah subhanahu wa ta'ala, il a envie de lui pardonner, et il lui pardonne, et hada shar se rentre vers l'islam, et Allah il le fait rentrer fil jannah. Ça c'est min fadlillah azza wa jal. قال خامسا فيه التحذير من جلساء السوء فإذا جر على أبي طالب هؤلاء الجلساء نعم ماذا جر على أبي طالب هؤلاء الجلساء؟ Et ça c'est كذلك une فائدة طيبة. L'importance de choisir ses compagnons avec qui tu marches, qui tu fréquentes, أخي الكريم. أبو طالب c'était l'oncle du prophète صلى الله عليه وسلم. Et la chèque qu'il a fréquenté le prophète صلى الله عليه وسلم pendant une certaine période. Il a trouvé le prophète صلى الله عليه وسلم à ce moment délicat, avant de mourir. Lakin al-mushkila, il fréquentait, vu que c'était un mushrik, qu'il avait des affinités avec Ha'oula. Abdullah ibn Abi Umayya et Abu Jahl. Kadalik, il les a trouvés à ce moment. Et Iyadan Billah, il a choisi de suivre Ha'oula al-Ashqiya. Et Iyadan Billah, il ne sortira jamais minan nar. Ça nous montre l'importance de choisir les fréquentations. Elle dit, tes fréquentations, imma, elles te pousseront à faire du bien. Imma, elles te pousseront à faire du mal. Si on qadrana dans la pièce, il n'y aurait que des mu'minines. Et tout le monde lui dit de dire la ilaha illallah, nasiha tayyiba, ça aurait été une cause. Et Allah yav'al ma yasha. Amma l'an, il a choisi de fréquenter ha'oula, fa'iyadan billah, ils ont été la cause de sa perte. Éternellement. Fais attention à tes fréquentations. On ne doit pas prendre ça à la légère. Et on doit faire attention aux sentiments. Même si c'est des proches, s'ils font du mal et ils sont à la shar, on leur donne leur haq. Aïe min ziyara wa ta'awun dans certaines choses, wa ta'wa ila akhari. Amma fréquenter toujours et avoir des affinités, les prendre comme amis, et alors qu'ils sont à la shar, ça fera du mal aux mu'min. L'insan, il fait attention aux fréquentations. La yusahib illa al-akhyar. Et ceux qui vont t'encourager vers l'ilm, ceux qui vont t'encourager vers l'amal salih, ceux qui vont t'encourager à délaisser le ma'ansi, si tu te trompes, ils te conseillent. Si tu fais une faute, ils te pardonnent. Si tu ignores, ils t'enseignent. Wa hakada al-julasa as-salihun. Amma al-fasaqa min babi awla al-kafara al-mujrimun. Wa rubama une chose yat'an fik. Rubama tu te trompes, ils se moquent. Rubama tu as essayé de faire du bien, ils ne reconnaissent pas le bien. Rubama tu lui as rendu service, il oublie. Wa hakada, que du shar. Aliyada, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré an al-mar ala din khalilihi. Et tu as le même din que celui que tu fréquentes. Enfin, Abu Talib, il a fréquenté Haoula al-Mushrikin. Il était proche d'eux. Il est mort à la din Abu Jahl. Abu Jahl, il est mort quelques années après Abu Talib. Il est mort lui aussi à la shirk, iyadun billah. Ah, là, c'est très très important. Qala sadisan fihi ar-radd ala man za'ama islam bi talib min ash-shi'a wal-khurafiyyin. Et n'am, al-Soufiyya, al-Dullal, kadalik al-Rawafid, il prétend d'anna Abu Talib, il est mort à l'Iman. Pourquoi? L'annahu, c'est l'oncle du professeur. Ha'oula, leur dîn, il est fondé sur les sentiments, sur l'asabiyya. Il n'est pas fondé sur les usul, l'adilla, al-Barahin, sur les preuves. Le hadith, il est clair. Et Annabi, dans une autre riwaya, annahu, il a démontré أنه لولا هو عليه الصلاة والسلام il aurait eu un châtiment encore plus dur. لكن النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أنه il aura le châtiment le plus léger vina de la braise sous ses pieds. عياذ بالله et son cerveau est bout. C'est ça son châtiment عياذ بالله. C'est un adab شديد في الحقيقة. لكن c'est un des châtiments les plus légers pour Al-Kufar. Ce hadith plus celui-là il montre très bien que c'est un kafir. أنه il a pas voulu dire la ilaha illallah, أنه il est في النار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم sa shafa'a a été utile ou elle sera utile pour Abu Talib. لماذا لأنه il a fait des choses de bien pour النبي صلى الله عليه وسلم, il a protégé il a akhri. C'est une shafa'a khassa, c'est le seul kafir qui aura cette shafa'a. C'est pas une shafa'a qui le fera sortir من النار, là ça allégera فقط son châtiment, il restera éternellement en enfer. مع هذا كله tu trouves هؤلاء الضلال من الروافض. الروافض لماذا؟ لأنه c'est le père de Ali ibn Abi Talib. Et vu qu'ils يعبدون, ils exagèrent concernant Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه الصحابي الجليل, pour eux ça rentre pas dans la raison que son père il est mort à l'al-kufr. Et pour eux que Muawiya رضي الله عنه c'est un صحابي جليل, il est mort à l'iman رضي الله عنه, ils acceptent pas ça. لماذا؟ لأن العصبية منما نحن لا. Même si c'est donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a un nas. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a démontré. Annahu, il a refusé de dire la ilaha illallah. Fahada. Qala, as-sabi' wa hiya azimatun jiddan, tafsiru la ilaha illallah. Min ayn, qui c'est qui peut déduire hada du hadith, fiha tafsir la ilaha illallah. Aindaman, tfaddal. زيد أحسنت أنهم quand ils ont entendu أي عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل quand ils ont entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire à son nom قل لا إله إلا الله, فهم ils voulaient pas qu'ils disent لا إله إلا الله. Qu'est-ce qu'ils ont répondu ou qu'est-ce qu'ils ont dit à Abu Talib, à l'oncle du prophète صلى الله عليه وسلم, أترغب عن ملة عبد المطلب. Ils ont très bien compris أن celui qui dit لا إله إلا الله il doit délaisser forcément الشرك, il doit délaisser forcément les autres religions. C'est ça لا إله إلا الله, لا معبود بحق إلا الله عز وجل. أي on doit adorer Allah seul, ونكفر بما يعبد من دون الله, ويكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Ils ont compris هذا. C'est pour ça que Cheikhul Islam, dans les Masa'il, la quatrième, qala, rahmatullah alayh, al-rabi'a anna Aba Jahl, wa man ma'ahu ya'rifoun murad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, itqala lil-rajul qul la ilaha illallah, faqabbahallahu man Abu Jahl a'lamu minhu bi asli l'Islam. شيخ الإسلام رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب هنا يقول أن أبو جهل il a compris مراد النبي صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça que quand il a entendu le prophète صلى الله عليه وسلم faire da'wa, il dit la ilaha illallah, il a répondu أن est-ce que tu vas délaisser la religion d'Abd al-Muttalib et l'adoration des idoles. Ça nous montre أن la ilaha illallah, il faut délaisser les idoles, délaisser ma yu'bad min dunillah et adorer Allah seul. فلهذا قال شيخ الإسلام فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. صحيح. C'est très très grave. بعض المسلمين يقولون لا إله إلا الله. ربما لا شك أنهم يزعمون cette كلمة. لكن بسبب الجهل tellement qu'ils se sont écartés du Coran et de la Sunna et ils s'occupent que par la dunya, ils connaissent pas le معنى. C'est très très grave. C'est Abu Jahl, un des pires de cette communauté. أي أمة الدعوة عند البير كي أكمبات النبي صلى الله عليه وسلم يكونس معنى لا إله إلا الله واحد كي آمن النبي صلى الله عليه وسلم سيه مسلم يكونس معنى لا إله إلا الله سيه مصيبة يعني لا فبلس دل إسلام أو بلتو لا فبلس أقصد دل مسلمين أما الإسلام لا بات فبلس دين الله يعني لا فبلس الآن أن أعظم الأصول c'est pour ça que قال هنا شيخ الإسلام بأصل الإسلام. Le fondement le plus important, c'est le pilier de notre religion. La yassah l'islam illa bih. Aïe, cette shahada, ashadun la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, kathir min al-muslimin, si tu lui demandes le sens, pas en détail, hein, pas en citant les preuves à quoi l'ahl al-ilm, là, le sens, explique-moi ça veut dire quoi. Il est étonné de la question. Pardon, il met du temps à répondre. Pardon, il répond avec des réponses qui sont ba'idah. Bardoum, ils ont des chouvas. Et tu trouves, alhamdulillah, que tir min al-muslimin, ils connaissent la réponse et ils sont à la yaqin et ils sont fiha. Lakin, celui qui ne connaît pas hada l'asl, il doit faire des efforts. Allez, hada l'ulama, ils insistent de travailler sur ce point. Le bon comportement, respecter les voisins, il a akhri, ça c'est muhim. Lakin, wallahi, ça sera d'aucune utilité si ce n'est pas fondé sur at-tawhid. Et haoula, du'at, al-dhalal. Que ce soit en France ou autre, qui appellent à l'islam de France, qui se sont mélangés avec le kuffar, qui ont des choubas, ils ont déjà appelé à hadal asl abedan. Wallahi wa'aduhum, ils le combattent et combattent ceux qui appellent à hadal asl. Vous remarquerez que leur durus, leur khotab, leur conseil, c'est que le bon comportement, il faut être tolérant et le respect. Ils ne connaissent pas da'watul anbiya. Ou wa'aduhum, rubbama, ils la connaissent et ils la combattent, ayyadan billah. Al-hadar wa al-tahdhir min ha'oula. قال شيخ الفوزان الثامنة فيه تحريم الاستغفار للمشركين هذه واضحة on n'a pas le droit de demander pardon والإنسان يحذر les sentiments que ce soit un parent, un frère, une soeur, un fils s'il est mort على غير التوحيد il est mort على غير الإسلام on n'a pas le droit et bien الحقيقة même celui qui faiblit qui fait du'a il khalif ce hadith ou plutôt le verset c'est très très grave et que d'aller que sa dua ou son dua il ne sera pas accepté c'est une perte de temps l'insan yihdhar les sentiments et nastafid nahnu min hada avant de regretter il y en a beaucoup ils regrettent quand leurs parents un de leurs parents meurt ou un proche meurt ou avant d'être triste il y en a ça rend triste la haqiqa celui qui perd un proche et est mort à la règle de l'islam pour l'instant qu'ils sont vivants on doit faire des efforts comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait ya'am qul la ilaha illallah wa tastafid min hadha alhadith an la tukthir alkalam ba'dhum parle longtemps il parle des sujets probablement des sujets il s'écarte de l'essentiel la tukthir alkalam commence par la ilaha illallah s'ils acceptent alhamdulillah s'ils acceptent pas la tut'ib nafsak tu leur montres c'est interdit la mixité c'est interdit la musique c'est interdit de pas manger halal s'ils reconnaissent pas la ilaha illallah ça lui est d'aucune utilité hadi l'achat commence par hada avec des calams tout simples. Tu lui montres le tawhid et tu lui montres, c'est un chrétien, que croire que Isa, c'est le fils d'Allah, c'est très très grave. Et tu lui montres que le créateur, il est unique. S'il reconnaît que le créateur, il est unique, alhamdulillah, c'est une porte ouverte. Et tu lui montres. Et avec ce livre que tu as étudié, tu as beaucoup de preuves. Avec calam ahl al-ilm mukhtasar, et en tout cas, tu lui résumes. Tu lui résumes, et kadhalik tastafid min hadha, anna tu es une cause. Ça ne veut pas dire qu'il sera guidé. Montre. Ta'ammal le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imam al-Mu'hidin. Afdhal al-Mu'hidin. C'est le meilleur être humain qui ait jamais eu. Alayhi salatu wa sallam. Il n'y aura pas un être humain comme lui. Son nom, il ne l'a pas accepté. T'as cette vie, là, c'est pas à chaque fois que tu montres que les gens ils vont accepter, là, à qui le montre. Hatta, si ce proche il meurt, alhamdulillah, là, chaque que si c'est un parent ou un fils, al-insan, c'est un bachar, il sera triste, à quel niveau des regrets, t'auras pas de regrets, tu as montré. Et avec une aqida solide, al-insan, alhamdulillah, Allah, il a une hikma et il sait que hada shakhs, il ne méritait pas. Alhamdulillah, l'insan, il patiente, il fait des efforts. Et s'il meurt à la tawhid et rentre fil jannah, il ne pensera jamais à ce proche. Les anna fil jannah, il n'y a pas de tristesse. Dinullah, il est kamil. C'est nous, fil haqiqa, qu'on a des faiblesses. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, at tawfiq. Qala at tasi'a, fihi at tahdhir min at ta'assub lil aba. Et ça, c'est très très grave, kadali. C'est quoi qui a poussé la perte à Abu Talib à sa perte? At ta'assub. Pourtant, son neveu, il le connaît. C'est lui qui l'a élevé, c'est lui qui l'a vu grandir, il a agri, il savait qu'il était à la haq. Il savait, il connaissait son comportement, il n'était pas injuste, il appelait à délaisser les idoles et ses haq. Mais il n'a pas osé contredire ses ancêtres, khas satan devant Abu Jahl et son compagnon. Al-insan yahdhar. Celui qui a des parents qui sont à la ilm, à la sunnah, alhamdulillah, il les aime, il les respecte, il profite d'eux. Celui qui a des parents qui ne sont pas à la ilm, ou iyadun billah, qui sont à la shirk, ou khuravat, il a akhiré, la tudayi'a nafsak pour les suivre, ou s'entêter à les défendre. Là, nos parents, c'est des êtres humains, ils peuvent avoir raison, ils peuvent se tromper. Enfin, on regarde s'ils sont à la haq, s'ils sont à la batil. Si tu veux être utile pour eux, inna'la azawajal, ne les suis pas aveuglément. Si tu veux être utile, conseille-les. Si tu veux être utile, montre-leur. Si tu veux être utile, fais dua pour eux. Wahuna, on précise anna qawlullah azza wa jal ma kana lin nabi wal ladina amanu yastaghfiru lil mushrikin, ay après leur mort. Tant qu'ils sont vivants, faites dua pour eux. Faites dua qu'Allah les guide. Faites dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala il les rahme avec l'islam, qui guide leur cœur. Faites dua à certains les moments recommandés. Après leur mort, s'ils sont morts à la shirk, là. Tant qu'ils sont vivants, fais des efforts à da'wah et kadalik fais de du'a pour eux. Ne les oublie pas, fais de du'a'ik. Qala al-ashira al-rad ala al-mushrikin al-ladina yata'allakuna bil-awliya wa al-salihin ila akhiri. Wa hadihi wadiha. On conclut avec kalam Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah. Il est mukhtasar et c'est le résumé de tout ce qu'on a cité. Qala bab qawlillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbab. وهذا الباب أيضا نظير الباب الذي قبله وذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق من أحب هداية التوفيق وإنما الهداية كلها بيد الله فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات فتبينه أنه الإله الحق. هذا الكلام تقدم أي النبي صلى الله عليه وسلم c'est la meilleure des créatures. الله il l'a élevé, c'est خليل الرحمن. Avec tout ça il ne peut pas guider. فمن باب أولى, un autre il ne pourra pas guider. من باب أولى, on ne peut pas demander, on ne peut pas adorer المخلوق même s'il a un rang élevé عند الله. قال وأما قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. هنا on fait attention de ne pas prononcer le la, de allonger la voyelle. وإنك لا تهدي. Je dis pas وإنك لا تهدي. بعض الناس des fois tu les entends réciter, ils prononcent le la mais ça change le معنى. Ça devient la navia et tu guides pas. Là, alors que هنا c'est إثبات الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم لكن كما تقدم. قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالمراد بالهداية هنا هداية البيان وهو صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وحيه هو الذي اهتدى به الخلق. أي et on résume et on conclut أن الهداية elle est خاصة بالله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم إنك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Donc la guidée c'est réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin on a un verset ou d'autres versets d'autres adillah et on peut citer comme exemple hada wa innaka la tahdi ila sirat al mustaqim. Ay tu guides sur le droit chemin en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا واضح أن هذه الهداية كما قال الشيخ سعدي هنا هداية البيان, أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يمنطق. Et là, chaque celui qui montre, la haqiqa, il a montré, il a guidé. Est-ce que l'insan, il va être guidé, c'est autre chose. Et c'est Allah qui guide. Enfin, retiens bien ces deux catégories de hidayah. Hidayatu, at-tawfiq wal-qaboul, les khassa lillah, et c'est Allah qui guide les cœurs, c'est Allah qui guide qui il veut, azzawajal. Et la deuxième, hidayatu, al-bayan wal-irshad, et le fait de montrer, la guider, hadihi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré, les savants ils montrent, celui qui fait des efforts il montre, alhamdulillah. Hadha al-bab il est mufid, nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadlih, et on continuera inshallah à partir de mardi. Et à partir de mardi kadhalik on commencera la nouvelle risala après avoir fini walillahi alhamd man hum al-ulama de Cheikh Abdus Salam rahmatullah alayh, enfin, on lira ensemble une risala sur les règles du mariage, al-zawaj, de Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah. Aïe, le mardi et le jeudi, après notre dars de Al-Qawl Sadid. Amma le dimanche, comme on avait dit, si on peut faire des muhadarat ou des kalimat, fa-tayyib, et si on ne fait pas de muhadarat ou de kalimat, on continue notre dars fi kitab tawhid. Amma le deuxième dars, on le laisse que pour le mardi et jeudi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك